Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana lisifiwe. Car il est digne de louange. Kwani yeye ndiye anastahili sifa. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tutasimama juu ya kusoma neno la Mungu. Dans le livre de Thessaloniciens. Mukitabu ya wa Thessalonika. Là où nous sommes en train de lire. Mule tuko nasoma hii masiku. Au chapitre 3. Sura yake ya 3. En commençant par le verset 13. Kuanzia mstari ya 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Atupende banduku mukose kujua kuhusu bale balikufa. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ili mshuzinishwe sa bengine basipokuwa na matumaini. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, kama tukiamini ya kwamba Yesu alikufa na kisha alifufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Tuamini ya kwamba Mungu atarudisha kupitia Yesu bale bote balikufa. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazama basi ile tunamitangazia kufatana na neno la Bwana. Nous le vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Sisi bazima bale balibakia mukurudi kwa Bwana. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Atutatangulia bale balikufa. Car le Seigneur lui-même, kwani Bwana yeye mwenyewe, a un signal donné, kwa alama fulani, à la voix d'un archange, kwa sauti ya malaika mkubwa, et au son de la trompette de Dieu, na kwa mulilio wa parapanda ya Mungu, descendra du ciel, atashuka toka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Na wafu katika Kristo watafufuka kwanza kwanza. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, na kisha sisi bazima wale tulibakia, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, tutanyanyuliwa pamoja nabo pa mawingu, à la rencontre du Seigneur dans le ciel, mukutanishana na Bwana pale pa hewa, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, na tutakuwa kila mara na Bwana. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mufarijiane bamoja kwa bengine kupitia misemo hii. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Wa Thessalonika wa pili sura 2 mstari 13. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur. Kwetu sisi banduku bapendwa ndani ya Bwana. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Tunapashi kushukuru Mungu kuhusu maneno yenu. Parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut. Kwani Mungu alimchagua tangia mwanzo juu ya wokovu. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Kupitia utakaso wa roho na kupitia imani ya ukweli. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Ndio kwa ile alimitia kupitia injili yetu. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ili mupate kupokea utukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ainsi donc. Hivi basi. Frère. Banduku. Demeurez ferme. Mubakie imara. Et retenez les instructions que vous avez reçues. Mushike maagizo le mulipokea. Soit par notre lettre. Wala par notre parole, wala kupitia misemo yetu, soit par notre lettre, wala kupitia barua yetu. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus, l'agneau, gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. upendwa. Sous le sang précieux qui fut répandu à Golgotha. Chini ya damu ya damani ilimwangika Golgotha. Nous venons à toi avec nos têtes inclinées. Tunakuja kwetu na vichwa vyenye kuinama. Étant indignes d'être appelés fils et filles de Dieu. Pasipo kustahili kuitiwa watoto ya Mungu. Si nous le sommes, c'est simplement par ta grâce. Kama tuko watoto ya Mungu ni kwa neema yako. Par ta miséricorde. Na kwa rehema yako. Nous te remercions de nous avoir réunis ce soir. Tunakushukuru vile unatukusanisha magharibi ya leo. Pour pouvoir écouter tes instructions. Juu ya kusikiliza maagizo yako. Bénis chaque fils et fille de Dieu présent. Ubariki kila mtoto wako mwanaume na mwanamke hapa. Circoncis chaque oreille. Utahiri kila lisikio. Donne un entendement spirituel à ton peuple. Upatie kusikiliza kuzuri kwa taifa yako. Circoncis les lèvres de ceux qui vont parler. Utahiri kinywa ya vile vitasema. Le prédicateur ainsi que l'interprète. Mhubiri pamoja na mtafsiri. Manifeste-nous ta grâce en ce soir. Onekanisha neema yako katika yetu magharibi ya leo. Pour que le péché soit pardonné. Juza tes fils soient délivrés, batoto yako bakombolewe, libérés, benye kufunguliwa, affranchis, na benye kombolewa, guéris, benye kutunzwa, baptisés du Saint-Esprit, benye batizwa Roho Mtakatifu. Accorde-nous cette grâce. Utupatie le neema. Et que l'œuvre du ténèbre soit vaincue. Na kazi ya magiza tawaliwe. Que le Saint-Esprit puisse prendre la préminence en ce lieu. Atuguongozi pa hifadhi. Nous avons ainsi prié par la foi. Tunaomba hivi kwa imani. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Mujina yenye kwa yule majina lote. Le nom de la vie. Jina la buzima. Le nom de la résurrection. Jina la ufufuko. Le nom du rédempteur. Jina ya mukombozi. Du roi de rois. Mfalme wa mfalme. Seigneur de seigneurs. Bwana wa mabwana. Dieu de dieux. Mungu wa miungu. Jésus Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous continuons toujours le sujet que nous avions commencé. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, ça sera le dimanche que nous allons clôturer avec cela. Alléluia. Amen. Parlant sur l'orientation. La conduite de Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne s'attend qu'à Dieu. Inajongoja paka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à Dieu d'obéir aux hommes. Aina Mungu apate kutiba tu, apana. C'est plutôt aux hommes d'obéir à Dieu. Alakini batu njo banapashi kumutii Mungu. Alléluia. Amen. C'est aux hommes de suivre les instructions de Dieu. Celui qui est le bon berger. Celui qui nous conduit dans le vert pâturage. Celui qui conduit son peuple dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment il a conduit Élie. De Bethel jusqu'au Jourdain. Kufika na Yordano. Là au Jourdain. Kule ku Yordano. Lorsque Élie traversa. Wakati Élie alitambuka. Il comprit qu'il a terminé sa course. Alielewa kwamba anamaliza safari yake. Élie avait satisfait aux exigences de Dieu. Élie alitimiza maagizo ya Mungu. Il a quitté Bethel. Alitoka Bethel. Il est arrivé à Jéricho. Na kufika ku Jéricho. Et à Jéricho. Na kule ku Jéricho. Il a traversé le Jourdain. Alitambuka Yordano. De l'autre côté. Ile ngambo. Pour que la promesse soit accomplie. Juu malako ipate kutimilika. Il savait que ce jour-là. Alijua kwamba ile siku. C'était le jour de l'enlèvement. Ilikuwa ni siku ya kunyanyuliwa. Nous aussi nous savons Nasisi, que nous vivons dans le période auquel le Seigneur va enlever son peuple. Taifa yake. Alléluia. Amina. À Bethel, il y avait les fils de prophètes. Kubeteli, à Jéricho, il y avait les fils de prophètes. Manabi, batoto, manabi, na de l'autre côté du Jourdain, de ce côté, il y avait les fils de prophètes. Ingambo, Yordano, batoto, mais traversant le Jourdain, il n'y avait pas les fils de prophètes. Batoto, ya manabi. Alléluia. Amina. Les pentecôtistes, bien qu'aujourd'hui, ils font des séminaires, prêchant sur l'enlèvement, parlant à la télévision, que Jésus revient bientôt, et sont en train de s'inclure dans le programme de l'enlèvement. Ils ne sont pas dans ce programme-là. Ce sont des fils de prophètes. Ils peuvent parler de ça, mais la promesse ne leur concerne pas. La promesse concerne le peuple de Dieu qui est dans le programme de Dieu, qui suit les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Et en traversant le Jourdain, nous avons vu que lorsque Josué, au chapitre 5 de Josué, là Dieu Mungu, pas Josué de lui-même. Hapana Yeshua mwenyewe. C'était pas dans ses sentiments. Haikuwa mania yake. Alléluia. Amen. Pour dire que bon, comme nos pères, comme moi je suis circoncis. Jua kusema vile mine sha tairiwa. Les autres ne sont pas circoncis. Aba wengine hawana wenye utairiwa. Maintenant je dois chercher les couteaux de pied. Sasa tatafuta riwe ya mawe. Pour pouvoir circoncis. Jua kukata nayo kutairi nayo. Alléluia. Amen. Dieu Mungu l'a ordonné. Arimuagiza. Il dit Josué, prends le couteau de pied. Uchugue kisu ya mawe. Tu vas circoncire chaque enfant d'Israël. Utatairi kila mtoto wa Israeli. Parce que c'était une alliance ni agano que Dieu avait faite avec Abraham, ile Mungu alifanya na Abraham et la semence d'Abraham. Na uzao ya Abraham. Dans Genèse 17, nous l'avions lu cela. Mwanzo 17 tuliisoma. Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwambia Abraham, chaque fils mâle kila mtoto mwanaume sera circoncis. Atatairiwa. Et celui qui ne le sera pas washipokutairiwa aura violé mon alliance atavunja agano et sera écarté du milieu du peuple. Na watamtosha katikati ya taifa. Alléluia. Amina. Et c'était dans le naturel. Na ni mwasili. Et nous en Christ. Sasa sisi ndani ya Kristo. Nous sommes aussi la semence royale d'Abraham. Na sisi tukumbeko ya kifalme ya Abraham. Et ils étaient la semence naturelle. Boba alikuwa mbeko ya asili. Mais nous sommes la semence royale d'Abraham. Sisi tukumbeko ya asili ya Abraham. Et Dieu exige de nous aussi la circoncision. Mungu anatulazimisha na sisi tutairiwe. Non pas la circoncision de la chair. Hapana kutairiwa mumwili. Mais la circoncision de l'âme. Lakini kutairiwa kwa nafsi. Comme nous l'avions lié. Vile tulisoma jana. Alléluia. Amen. La circoncision de l'âme. Kutairiwa kwa nafsi. L'intérieur. Ndani. Enlevant le surplus de la chair. Kutosha bia yulu kumwili. La circoncision. Kutairiwa. Typifiant le baptême du Saint-Esprit. Yenye kwa picha ubatizo ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit. Bila ubatizo ya Roho Mtakatifu. Comme nous l'avions dit hier. Vile tulisema jana. Il n'y a pas d'enlèvement. Hakuna kunyanyuliwa. Ceux qui seront enlevés. Wale watanyanyuliwa. Auront le baptême du Saint-Esprit. Batakuwa na ubatizo. Ils vont expérimenter l'accomplissement de cette promesse. Bataonja kutimilika kwa ile malako. Parce que c'est l'esprit de la l'esprit des promesses. Kwani ni roho ya malako. Alléluia. Amen. Dieu a promis. Mungu alilaka. Oh, à ceux-là qui lui obéissent, de leur donner les baptêmes du Saint-Esprit. Ya kwamba tawabatiza na Roho Mtakatifu. Car cela vient. Kwani inatokea. Cela vient il est kuna tokea, et entre na iku na ingia, dans les âmes des enfants obéissants. Ya batoto batiifu, quelqu'un qui est incrédule à la parole. Mutu wasipo kuamini neno la Mungu, quelqu'un qui est hypocrite. Mutu munafiki, il ne recevra jamais le baptême du Saint-Esprit. Awezi kama kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Parce que ce n'est pas un pasteur qui donne le Saint-Esprit. Wani haina pastori ula analeta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Même si un prédicateur se disait, hata kama mhubiri akisema, quand moi je prie, vile ni kama Dieu baptise du Saint-Esprit. Il t'appelle et il t'impose le main. Il dit Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Dieu ne baptise pas du Saint-Esprit par rapport à la prière d'un prédicateur. Mais Dieu baptise du Saint-Esprit par rapport à ta foi. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, si le monde est tombé, parce que le Saint-Esprit ne viendra pas habiter dans un âme souillée. Une âme où il y a les impuretés. Il ne viendra pas habiter. Raison pour laquelle on avait vu à Jéricho, le mirail était tombé. C'était la délivrance, la purification. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient dans une âme pure. Parce que, Kwani, comme il est écrit il est mandikwa, dans 1 Corinthiens, mwa Korinto wa kwanza, au chapitre 12, sura 12, verset 12 à 13, 12, 13, que nous sommes ya kwamba tuko baptisés dans un seul corps benye kubatiziwa mumwili moja, par le baptême du Saint-Esprit. C'est le corps de Jésus-Christ. Ni mwili ya Yesu Christo, le corps spirituel. Mwili ya kiro. Tous les élus bateule bote sont dans ce corps-là. Wanapatikana mwili mwili. Paul est dans ce corps-là. Paulo eko mwili mwili. Pierre est dans ce corps-là. Petro eko mwili mwili. Jean se trouve dans ce corps. Yohana anapatikana mwili mwili. William Branham se trouve dans ce corps-là. William Branham anapatikana mwili mwili. La promesse de l'enlèvement normalement s'accomplira dans ce corps-là. Jésus-Christ enlèvera le corps. Si tu n'es pas dans ce corps-là, il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Alléluia. Amen. C'est ainsi que l'église, c'est un lieu de préparation. Lorsque la parole de Dieu est sortie, ne doutez pas, ne le rejetez pas, mais crois et obéis. Vivez la parole de Dieu. En vivant la parole de Dieu, Dieu fera l'obéissance en toi. Il se scellera du Saint-Esprit et tu vas entrer dans le corps. Tu seras un candidat pour l'enlèvement. Mais si tu n'es pas encore dans ce corps-là, sache que la promesse de l'enlèvement n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Si le Seigneur revenait lors de l'enlèvement et que cela te trouvait en dehors du corps, tu vas rester. Les frères et sœurs des assemblées vont rester. Alléluia. Amen. Ça ne sera rien de jouer à l'hypocrisie, faire le faux semblant, qu'on croit que les gens pensent que tu crois le message, que tu es une fille de Dieu, que tu es un frère qui croit la parole, mais intérieurement toi-même, tu sais que tu es un trompeur. Alléluia. Amen. Tu peux tromper le pasteur, les prédicateurs, le diacre, tu peux tromper beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais réellement si tu as cru ou si tu es en train de jouer à l'hypocrisie. Et non plus, tu ne peux pas tromper Dieu, parce qu'il est celui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui introduit dans le corps. Alléluia. Amen. Quand tu viens au Seigneur, il faut te soumettre à lui. Et il te donnera le baptême du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, on avait lu au verset 13, il dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit, qui est un gage. Alléluia. Amen. Vous connaissez le gage. Tu peux être intéressé d'acheter un produit ou un appareil quelconque. Tu arrives là dans ce magasin, le monsieur dit, je le vends à autant. Mais toi, tu n'as pas sur place cet argent-là. Mais tu as un peu d'argent. Tu dis, pour te prouver que je veux acheter ça, j'ai un peu d'argent. Je le donne comme gage. Prends cet argent comme gage. Je rentre à la maison. Quand je veux revenir, je veux ajouter et récupérer le produit. Alléluia. Amen. Tu as laissé l'argent comme gage. Cet argent-là, ce n'est pas le prix de l'appareil, mais tu as donné comme gage. Et cet homme-là, en voyant ça, il sait que cet argent, c'est un gage pour l'appareil qui est acheté. Lorsque le temps sera venu, la personne amènera la somme restante et il va récupérer. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il voit ta foi dans la parole, l'obéissance dans la parole, alléluia, il te donne le Saint-Esprit comme gage. Alléluia. Amen. Il dit, je te donne ce baptême du Saint-Esprit. À mon retour, le reste, la rédemption du corps, et le reste, la perfection, je te le donnerai. Alléluia. Amen. Donc quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as déjà le gage. Tu sais que moi je suis un partant. C'est comme quelqu'un qui veut voyager pour les États-Unis, qui a déjà aimé, il aime beaucoup l'Europe. Lui, il aime l'Europe. Il cherche à tout prix d'aller à l'Europe. Et lorsqu'il voit au niveau de l'ambassade, on met le visa. dans son passeport, c'est fini. Alléluia. Amen. Ce qui est important dans un voyage, ce n'est pas le billet. Ce qui est très important, c'est le visa. Il peut avoir l'argent, il peut avoir le billet, mais s'il n'a pas le visa, il ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Et quand il voit le visa dans son passeport, il sait que moi je veux voyager. Ce visa est l'original. On ne va pas me bloquer l'entrée à la frontière. J'ai le feu vert parce que j'ai le visa. J'ai le voyage. Et le visa, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un candidat pour l'enlèvement. L'enlèvement est pour lui. Raison pour laquelle tu dois mettre ta vie en ordre pour que cela te soit accordé. Si nous lisons dans Matthieu 25, vous allez trouver quelque chose là-bas. Matthieu chapitre 25. Il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans le vase. Alakini ba ekima marechugua matayabo pamoja na mafuta. Alléluia. Amen. Ici la parole. Apa neno la Mungu. Nous parlons de 10 vierges que vous connaissez. Inatuambia kuhusu babikira 10 ile munishajua. Le sage et le folle. Ba ekima na babumbafu. Étant dans un voyage. Barikuwa katika safari. En allant. Mukuenda. Jusqu'à la rencontre de l'époux. Mukufika na kutanisha na bwana harusi. Et entrer dans la salle de noces. Na kuingia mchumba karamu. Mais la Bible dit. Lakini Biblia nasema. Ils avaient tous des lampes. Bote bawili barikuwa na mata. Alléluia. Amen. Ils avaient les lampes. Barikuwa na mata. Chacune d'elles avait une lampe. Mais il y avait une différence entre les vierges folles et les vierges sages. Alléluia. Amen. Le folle n'avait pas de réserve d'huile. Et le vierge sage avait le réserve d'huile. Le folle n'avait que de lampes. Ainsi que le vierge sage aussi des lampes. Si nous lisons dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Petro apili sura ya kwanza. Verset 19. Il est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certain tunashika uhakika kabisa la parole prophétique neno ya unabii à laquelle vous faites bien de prêter attention ile munafanya mzuri kuteka angalisho comme à une lampe sawa ta. Alléluia. Amen. La parole prophétique neno ya unabii semblable à une lampe inafananisha na lampi. Alléluia. Amen. Ces vierges-là avaient des lampes. Babikira barikuwa na malampi. Ils avaient la parole prophétique. Barikuwa na neno ya unabii. Les dénominations n'ont pas la parole prophétique. Mamazebu havana na neno ya unabii. Le groupe des réveils n'ont pas la parole prophétique. Makundi ya wamsho havana na neno ya unabii. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Njokwa mana. Ils sont exclus de ce programme-là. C'est lui qui quitte le message et qui rentre dans les dénominations, qui rentre dans le groupe des réveils, il n'a jamais compris. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont exclus du programme de Dieu. Ces vierges-là avaient des lampes stupéfiant la parole prophétique. Le message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Nous avons la parole prophétique. Alléluia. Amen. Mais le fol n'avait pas quelque chose que le sage en avait. Ils n'avaient pas le réserve d'huile. Le sage avait le réserve d'huile. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Elles étaient baptisées du Saint-Esprit. Il ne parlait pas seulement que je crois la parole. Mais elles ont été scellées du Saint-Esprit. Parce qu'en dehors du baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'entrée dans le souper de noces. Alléluia. Amen. Ils ont marché ensemble. Mais à un certain moment, alléluia. Amen. Les folles ont fait marche en arrière pour aller chercher de l'huile de réserve. Mais le sage ont continué, ont suivi la continuité de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils ne se sont pas arrêtés, mais ils étaient dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas arrêté son œuvre lorsque William Branham est mort. Alléluia. Lorsque Branham est mort, Dieu n'a pas arrêté son œuvre. L'œuvre a continué. William Branham fut un prophète. Et lorsqu'il est mort, le message est resté. Et Dieu a suscité un autre ministère au travers de Frère Edward Frank, qui est un docteur. Tous ces ministères-là, pour la gloire de Dieu, et l'édification de l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Ils ont suivi, les vierges sages ont suivi la continuité de l'œuvre de Dieu. Jusqu'à entrer dans la gloire. Ils étaient scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Être vivant ou mort avant le retour du Seigneur, cela importe peu. Alléluia. Amen. Que tu sois vivant pendant que Christ viendra, ou que tu meurs avant l'enlèvement, cela importe peu. Ce qui est important, c'est être prêt. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la promesse pour le mort en Christ, et il y a aussi la promesse pour le vivant en Christ. Même si tu meurs aujourd'hui, avant l'enlèvement, avant le retour de Christ, il y a la promesse pour le mort en Christ. Alléluia. Amen. Heureux le mort en Christ. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas inclus dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 14. Alléluia. Amen. Si nous le lisons encore, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, s'il meurt, il n'est pas inclus dans cette promesse. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alléluia. Amen. Cette promesse, c'est pour les frères et sœurs qui sont morts étant baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse concerne le Pierre, le Paul, Alléluia. Amen. Les Irénées, bah Irénée, le Colomban, bah Colomba, le Luther, bah Luther, le Wesley, bah Wesley, Branham, bah Branham, c'est là leur concerne. Et les frères qui sont morts dans ces temps-ci, baptisés du Saint-Esprit, c'est là leur concerne. Mais quelqu'un, soi-disant avoir cru au message, et qui n'a pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas inclus dans cette promesse. Alléluia. Amen. On peut voir cela dans le type. Avec le saint de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Abraham Ibrahim avait acheté un champ. Aliuza mashamba. Prenons dans Genèse. Chapitre 23. Sura makumi mbili na tatu. Genèse 23. Mwanjo sura makumi mbili na tatu. Si vous pouvez prendre au verset 8 directement. Msara munane. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays et devant le fils de Heth. Abraham akamuka na kuinama mbele ya taifa ya inchi na mbele ya batoto ya Heth. Et il leur parla ainsi. Akabambia hivi. Si vous permettez. Kama munawezi kunirusu, que j'enterre mon mort nipate kushika mufu wangu, et que je l'ôte devant mes yeux. Na nimutoshe mbele ya macho yangu. Écoutez-moi. Munisikilize. Et priez pour moi, Ephron. Na muniombe Ephron. Fils de Tsokar. Mtoto wa Tsokar. De me céder la caverne de Makpela. Apate kunipatia ile shimo ya Makpela. Qui lui appartient. Yenye kwa yake. À l'extrémité de son champ. Pembeni ya mashamba yake. De me le céder. Apate kunipatia. Contre sa valeur en argent. Na aniuzishe hiyo kwa fedha. Enfin que mes réserves elles me servent de des possessions sépulcrales au milieu de vous. Ili pate kunisaidia sawa fazi yangu ya kuzika batu. Verset 16. Abraham comprit Ephron. Abraham aka chugua Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. Akampati Ephron il fesa alimuomba. En présence du fils de Heth. Mwepo abatoto Heth. Compte 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Miaka ine ya fesa ile walinunua nayo. Le champ d'Ephron à Makpela. Il est ma chambre Ephron Makpela. Vis-à-vis de Mamré. Mbele ya Mamré. Le champ et la caverne qui y est. Ma chambre na ile shimo ilikuwamo. Et tous les arbres qui sont dans les champs. Na miti yote inapatikana mu ile ma chambre. Et dans toutes ses limites alentour. Na mumipaka yote ya kando kando. Devinrent ainsi la propriété d'Abraham. Ikakuwa sasa ma chambre ya Abraham. Aux yeux des fils de Heth. Mbele ya batoto ya Heth. Et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Nambele ya macho abale bote balikuwa naingia pa mulango ya muji. Alléluia. Amen. Lorsque Sarah mourit, wakati Sara alikufa, Abraham étant un prophète, sawa nabi, il avait la révélation alikuwa na ufunuo, que lorsque le Seigneur allait venir, wakati ile bwana atakuya, la résurrection ufufuko, ne devait pas se passer en dehors du canon. Haikupashi kufanyika nje ya kanana pana. Alléluia. Amen. Il savait que en dehors du canon, alijua sema nje ya kanana, il n'y aura pas de résurrection. Hakutakuwa ufufuko. La résurrection ufufuko devait se passer là. Il passe Fanika Pakamukanana. Alléluia. Amen. Même Job aussi. Na yobu na ye. Il avait eu la révélation. Il avait compris. Na yarielewa. Alléluia. Amen. Il pouvait se poser des questions. Ariweze kujiuliza. Il pouvait voir la résurrection. Ariona ufufuko. Dans la nature. Mwasili. Mais il ne pouvait pas voir la résurrection. Alakini asikone ufufuko. Dans l'homme. Mundani ya mutu. Il s'était beaucoup inquiété. Abari angaika sana. Il dit quand un arbre est coupé. Wakati muti inakatwa. Il peut se reproduire. Inaweze kuchipuka. Mais l'homme expire. Wakati mutu anakufa. Où est-il? Eko wapi? L'homme s'en va. Mutu anaenda. Et il ne revient plus. Mais lorsque Dieu se révéla à lui, Job s'écria, je sais que mon rédempteur est vivant. Même si le ver de terre dévore ma chair, lorsqu'il viendra, moi Job, je me relèverai. Mes yeux à moi, pas les yeux d'un autre, mais les yeux à moi Job, le verra. Mes mains le toucheront. Ils étaient des prophètes. Ils savaient que le Seigneur viendra. Et ils vont ressusciter. Dans Hébreux 11, il est écrit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Pas par la foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'ils sont morts par la foi. Lisons un peu cela dans Hébreux. Et puis nous allons revenir là. Tout à Rodri après. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi. Nindani ya imani. Ce n'est pas par la foi. Aina kwa imani. Mais dans. Alakini ndani ya imani. Alléluia. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Alléluia. Amen. Ils les ont vues au loin. Et saluées de loin. Alléluia. Amen. Ils ont vu la résurrection au loin. Ils ont vu la venue du Messie au loin. Celui qui allait venir le libérer. Ils ont vu cela et ont salué cela de loin. Ils sont morts dans la foi, dans l'espérance. Alléluia. Amen. Et Dieu orienta Moïse et Abraham pour acheter le champ de Macpéla, pour leur servir de lieu sépulcral où tous allaient être enterrés, parce qu'ils savaient que cela il y aura la résurrection. En dehors de là, pas de résurrection. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il acheta cela, au prix d'argent, on ne l'a pas cédé pour ne pas venir le ravir plus tard. C'était devenu une propriété d'Abraham. Personne n'avait plus droit là-bas. C'est comme Jésus-Christ aussi. Le diable lui avait proposé. Il dit, si tu m'adores, je te donne ce royaume. Jésus-Christ a dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Il ne pouvait pas prendre cela de main du diable gratuitement, mais avec son sang, il nous a rachetés. Alléluia. Nous sommes les propriétés privées de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les propriétés privées de Jésus. Le diable n'a rien à dire contre toi parce que tu ne lui appartiens pas. Jésus t'a racheté à un grand prix qui est son sang. Tu es libéré. Alléluia. Amen. En aucun cas le diable peut venir encore te prendre. Alléluia. Amen. Pour que le diable puisse te prendre, il doit d'abord demander. Alléluia. Amen. Il ne peut pas venir brisquer. Ça ne peut pas se faire. Ce fut comme le cas de Pierre. Le diable avait tellement envié Pierre. Il dit, cet homme ici, c'est un grand adversaire. Il va ébranler mon royaume. Le Seigneur lui fait plus de confiance. Je dois l'écraser. Je dois le briser. Je dois tout faire pour humilier Pierre. Je vais le ridiculiser. Je vais l'amener loin du Seigneur. Mais il n'avait pas cette capacité. Parce que Pierre appartenait à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour que le diable le fasse, il est venu vers Jésus. Alléluia. Amen. Pour faire une demande. Est-ce que tu ne peux pas me donner Pierre? Si tu peux me donner Pierre, accorde-moi Pierre. Jésus-Christ a dit, Yesu alimwambia, pas question. Akuna, je ne te donnerai pas Pierre. Si il m'appartient. Ni wangu. Et le diable est parti. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre. Pierre, le diable t'a réclamé. Parce qu'il a voulu te cribler. Comme du froment. Le diable a voulu te cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Afin qu'il ne t'arrive pas de mal. Et dans Jean 17, lorsqu'il pouvait prier, il dit: Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la perdition, Judas Iscariote. Parce que Pierre et les autres étaient une propriété de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes une propriété privée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas se décider de lui-même et venir te prendre et t'amener dans le monde, t'amener dans le fruit. Alléluia. Il doit d'abord demander la permission à Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi Albertine. Donne-moi Marthe. Donne-moi Robert. Alléluia. Et si tu es déjà sauvé, Jésus t'a sauvé. Alléluia. Il ne peut plus te céder. Tu deviens une propriété pour toujours du Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui est sauvé par Dieu est sauvé. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne le salut, il te donne la vie éternelle. C'est bien dit. Vie éternelle. Dieu ne peut plus revenir pour dire: je lui avais donné la vie éternelle. Je ne peux plus. J'ai ravi la vie éternelle. Mais là, ce n'est plus la vie éternelle. Alléluia. Quand il te sauve, il te donne la vie éternelle. Tu deviens sa propriété. Alléluia. Il est omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. Il n'est pas un homme pour être surpris. Comme dans un mariage, on voit un frère. Alléluia. Amen. Là-bas devant, on voit une sœur. L'avant devant. Et le frère se dit: vraiment, ma chérie, je te révèle ce bague. Comme une promesse que je te serai fidèle, je prendrai soin de toi, je t'aimerai, je ferai ceci et cela. Et la femme aussi met la bague. Il dit: mon chéri, je te mets cette bague en preuve de notre amour, je te serai soumis. Alléluia. Amen. Ils font des promesses. Banalakana. Ce sont des hommes. Nibantu. Ils ne savent pas le futur. Alléluia. Amen. Il y a le futur. Kukubile. Il y a des frères et sœurs qui ont fait des vœux et ils ont respecté cela. Que Dieu le bénisse beaucoup. Mais il y a d'autres. Le frère avait fait des vœux. Arrivé quelques jours après, il dit: pasteur, je ne peux plus. Mr. Weza. Vivre avec cette femme. Si je vis avec elle, je risque de mourir de l'hypertension. C'est une casse-tête. Je ne peux plus. Même si Gabriel descend du ciel, je ne veux plus la pardonner. Mais il avait fait la promesse. Une sœur qui vient chez le pasteur. Pasteur, je ne rentre plus chez lui. Pasteur, je rentre chez mon papa. Le pasteur dit: mais comment? Le jour du mariage, tu avais fait la promesse. Comment? Tu l'abandonnes maintenant. Tu abandonnes un fils de Dieu comme ça. Il dit: pasteur, ce n'est pas un fils de Dieu. C'est un démon. Il dit: mais tu l'avais dit ce jour-là, mon amour, je te mets cette bague. Mais aujourd'hui, ton amour là est devenu un démon. Vous voyez les hommes. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il sauve, il sauve. Parce qu'il est omniscient. Lorsqu'il est en train de te sauver maintenant, il voit même ta fin. Comment tu vas terminer ta course? Dieu ne peut pas être surpris. Alléluia. Amen. Nous sommes des propriétés privées de Jésus-Christ. Abraham a acheté cela comme propriété sépulcrale. Cela appartenait à eux, à lui et à sa descendance. Et comme Sarah était morte, Abraham prit Sarah et enterra Sarah à Makpela. Dans Genèse chapitre 25, la Bible aussi montre, parlant de la mort d'Abraham, lorsqu'Abraham mourit, on l'enterra à Makpela. Alléluia. Amen. Sarah enterrée à Makpela. Abraham enterré à Makpela. Lorsque Jacob en son temps parti en Égypte au temps de la famine, lorsque sa mort approchait, Jacob appela ses fils. Il dit: Joseph, viens. Judas, viens. Ruben, viens. Promettez-moi que vous n'allez pas m'enterrer ici en Égypte. Jacob étant un prophète, il savait que la résurrection n'allait pas avoir lieu en Égypte. Il savait que la résurrection allait avoir lieu à Canaan. Il dit: j'irai moi. Promettez-moi qu'après ma mort, vous allez me ramener à Canaan, à Makpela. C'est là où vous allez m'enterrer. C'est là où Abraham est enterré. C'est là où Sarah a été enterrée. C'est là que nous avons enterré Isaac. C'est là où nous avons enterré Rebecca. C'est là où j'ai enterré Léa. Vous allez m'enterrer là. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour amuser les gens. Dieu ne fait pas des comédies. Cela était un type pour nous. Alléluia. Amen. Il savait qu'en dehors de là, il n'y a pas de résurrection. Et lorsque Jacob mourit, en ramenant son corps, c'est là qu'on l'enterra. Et Joseph en son temps, lorsque la mort approchait, il a rassemblé le peuple d'Israël. Il dit: ma fin est arrivée. Bientôt je veux mourir. Mais je sais ceci, que Pharaon n'acceptera pas qu'on puisse enterrer mon corps ici en Égypte. Plutôt là-bas à Canaan. Alléluia. Amen. Il n'acceptera pas qu'on enterre mon corps là à Canaan. Pharaon voudra que je sois enterré ici en Égypte. Alléluia. Amen. Il dit: mais je sais que notre Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Joseph aussi était un prophète. Il savait qu'il y aura un jour, le jour de la visitation de Dieu, où Dieu va le visiter pour que Israël soit délivré de l'Égypte et retourné chez eux. Il dit: en ce jour-là, lorsque Dieu vous visitera, vous allez prendre mes os et sortir avec ceux de l'Égypte et enterrer cela là-bas à Canaan. Alléluia. Amen. Ils étaient tous enterrés à Canaan comme étant le type de mort en Christ. Des gens qui sont morts en Christ attendant le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Même si la maladie venait et que cela t'emportait, cela n'a rien à voir. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu mourras en Christ attendant la promesse de Dieu. Comme Joseph, Abraham, Jacob attendaient lorsqu'ils étaient morts. Alléluia. Amen. Ils étaient tous enterrés là, attendant la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez qu'un jour, le Seigneur viendra et ils vont quitter les tombes. Et si nous lisons dans les Écritures, là dans Genèse, nous allons voir ceci. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Encore. Je cherche un endroit qui est plus rapide pour qu'on puisse lire. Nsubiri na chunga fazia kusoma. Verset 7 de Genèse 25. Mwanjo sura makumi na tano msare. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Tazameni masiku ya maisha ya Abraham. Il vécut 175 ans. Alishi miaka 175. Au verset 8, msare amnane, il est dit, basema hivi, Abraham expira et mourut. Abraham alikufa après une heureuse vieillesse. Kisha buzee bwara, âgé et rassasié des jours. Mwenye kuzeka na kushiba masiku. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Na alipokelewa na taifa yake. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia nasema, Abraham mourut. Abraham alikufa. Après sa mort, kisha kufa kwake, il fut recueilli bari umpokeleya auprès de son peuple. Kwa taifa yake. Il s'agissait de quel peuple? Ni taifa kani? Pas Isaac. Kwani Isaka? Parce que là, il est mort. Anesha kufa. Alléluia. Amen. Il est mort. Alikufa. Il ne pouvait plus entrer en contact avec Isaac. Isaac. Ni Ismaël, ni les autres. Voilà, Ismaël, mais Bébine. La Bible dit, Bible il mourut alikufa, et il fut recueilli na auprès de son peuple. Wa taifa yake. Le frère William Branham, Duku William Branham, lorsqu'il visita la gloire, wakati alitembea mutukufu, là au paradis d'en haut, mulo paradiso ya kumbingu. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, Branham ansema, il a vu des gens, batu, des frères banduku, et de sœurs nabadada, qui venaient l'embrasser. Notre précieux frère Branham. Oh, mpendo anduku Branham. Notre précieux frère Branham. Mpendo anduku Branham. Notre précieux frère Branham. Mpendo anduku Branham. Le corps Branham, mwili ya Branham, était étalé là au lit. Barikwa nchwe tandika pa kitanda. Celui qui était debout, alakini ula arikwa na simama mwima. Jeune Branham. Arikwa ni kiyana Branham. Il avait plus de calvitie mais les cheveux. Asukwete na nariba la. Et il a vu de jeunes. Aliona babiana. De jeunes filles. Babinti. Et de jeunes garçons. Na biana bana ume. Des frères et sœurs. Banduku na badada. Qui venaient l'embrasser. Barikwa na mkumbatia. Notre précieux frère Branham. Oh, mpendo atu. Notre précieux frère Branham. Nduku wetu wa damani. Et la voix qui lui parlait a dit, sauti il mwambia, tu es recueilli auprès de tien. Kwa bako, kwa bako. Alléluia. Amen. Tu as été recueilli par ton peuple auprès de tien. Kwa bantuku yako, auprès de tien. Bantuku yako. Alléluia. Amen. Alors frère Branham dit, du Branham ansema, est-ce que tout cela iyote sont des Branham? Eti yaba bote ni bamujama ya Branham. Alléluia. Amen. Parce que la Bible, tu es recueilli auprès de tien. Il dit, est-ce que cela, tous sont de Branham? Parce que tu as dit que c'est mien. Ils sont mien. Alléluia. Amen. Il dit non. Ce ne sont pas des Branham. Ce sont des gens ni bantu que tu as amenés dans le Seigneur au travers de la parole que tu as prêchée. Ce sont des frères ni bantuku et sœurs qui sont morts dans la foi. Ndani ya imani. Alléluia. Amen. En mourant dans la foi, leurs corps ont été enterrés. Mais la véritable personne, l'âme, nafsi, la personne lui-même, wakweli, ils sont partis dans la gloire malienda mutukufu, avec des corps théophaniques, na mili ya théophania, raison pour laquelle ils viennent t'embrasser. Tu es leur frère. Alléluia. Amen. Lorsque Branham a visité la gloire, wakati Branham il y a eu des gens, mutukufu, batu, pas des mythes, mawazo, pas une imagination, kufikiri, mais de véritables personnes batu qui vivaient sur la terre, mais qui sont morts dans les promesses, qui étaient là dans la gloire, sasa au paradis par-ci, au paradis d'en haut. Mu paradis. Alléluia. Amen. Et Branham les a embrassés. Branham, Branham les a entendus parler. Ce n'était pas un songe, ndoto, pas une vision, mais une réalité. Mambo ya la voix lui a dit, ce ne sont pas de Branham, mais ce sont des gens que tu as amenés au Seigneur. N'as-tu pas lu dans les Écritures? Alléluia. Amen. Nous avons un message merveilleux. À chaque fois que l'ange du Seigneur pouvait parler à Branham, à chaque fois que Branham faisait une expérience spirituelle, l'expérience surnaturelle, tout a été ramené par les Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. On pouvait dire, lis dans les Écritures. N'as-tu jamais lu dans les Écritures? Alléluia. Amen. Et là aussi, la voix qui lui parlait, il dit, n'as-tu jamais lu dans les Écritures? Lorsque un seul mourait, il était recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abraham mourut, on enterra le corps à Macpela. Il descendit au paradis d'en bas. Et là, il fut recueilli. Avec Adam est venu embrasser Adam. Abraham. Sarah est venue embrasser Abraham. Noé est venu embrasser Abraham. Notre frère qui vient de la terre. Il est venu ici. Nous attendons. Alléluia. Amen. Il ne dormait pas. Ils étaient en vie. Ils attendaient que le Messie puisse venir afin qu'il soit libéré. Alléluia. Amen. Ils étaient en vie. C'est le corps qui meurt. Pas la personne. La Bible dit, ceci est une tente. Alléluia. Amen. Ceci est une tente. Ça, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas moi. C'est mon corps. Moi, je suis à l'intérieur. Ce qui est assis sur la chaise, ce n'est pas toi, c'est ta maison. Toi, tu es à l'intérieur. Cette tente-là peut tomber maintenant. Nous allons voir le corps tomber, mais toi, tu seras debout. Mais nous ne te verrons pas. Parce que tu es dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Et prenons Genèse 49. Au verset 29, Musala makumbi natis. Puis il leur donna cet ordre. Kisha akabapatia ia gizo. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Tapokelewa na bato ataifa yangu. Alléluia. Amen. Qui est en train de dire cela? Ninani ule konasema hivi? C'était Jacob. Alikuwa ni Jacob. Un prophète de Dieu. Nabii wa Mungu. Alléluia. Amen. Ils avaient la révélation. Quand sa mort est approché, il leur a donné cet ordre. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts. Les tiens. Verset 31, là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là j'ai enterré Léa, le champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. Verset 33, lorsque Jacob il achevait de donner ses ordres à ses fils. Wakati Yakob alimaliza kuleta ya gizo batoto yake. Il retira ses pieds dans le lit. Alishuka kukitanda. Il retira ses pieds du lit. Alitosha mikulu yake ukitanda. Il expira. Akakufa. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Na alipokelewa na taifa yake. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob aussi mourut. Wakati Yakob naye alikufa. Abraham était là. Abraham alikuwa pale. Il est venu embrasser Jacob. Alikuwa kumkumbatia Yakob. Alléluia. Amen. Isaac était là. Isaac alikuwa pale. Il est venu embrasser Jacob. Rebecca était là. Rebecca alikuwa pale. Elle est venue embrasser Jacob. C'était des gens. Là au paradis d'en bas. Dans le séjour de mort. Alléluia. Amen. Attendant que Jésus vienne. Barikuwa nachunga Yesu akuje. Ils étaient morts dans la foi. Vous connaissez le parabole du pauvre Lazare? Où le Seigneur a dit, parlant de ce parabole-là, montrant les réalités qui sont là-bas en bas. Et là, il y a deux parties. Il y a la prison. Alléluia. Amen. Il y a la prison. Là se trouvent les incrédules. Caïn est dans la prison là-bas. Même maintenant, pendant que que nous prêchons, Caïn est là, dans la prison, dans la souffrance. Désobéir à Dieu, c'est regrettable. C'est le corps qui meurt. Mais l'homme ne meurt pas. Il est là aujourd'hui, en train de souffrir. Corée et Dathan, Abiram, tous sont là. Judas Iscariot, il est là dans la prison. Alléluia. Amen. Jésus a parlé. Il dit que lorsque l'homme riche a regardé, il a vu Abraham et le pauvre Lazare était sur le sein d'Abraham. Cela représentait le paradis. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Père Abraham, Baba Abraham, si tu peux dire à Lazare de Lazare venir m'amener un peu d'eau. Et Abraham dit, Abraham c'est impossible. Parce que entre nous et vous, il y a un grand abîme. Alléluia. Amen. De telle manière que ceux qui sont de notre côté, ils peuvent pas aller là-bas. Et ceux qui sont de ce côté-là, ils ne peuvent pas venir de ce côté. Alléluia. Amen. C'est un lieu réel. Alléluia. Ils étaient là attendant l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Lorsque Jean-Baptiste est mort, il est allé là-bas attendant. Il a été recueilli et finalement, pendant qu'ils étaient dans l'attente, et quand ils étaient dans l'attente, ils n'étaient pas miwés, ils étaient en train de parler. Alléluia. Amen. Se rendant des témoignages de ce qu'ils ont vécu sur la terre. Alléluia. Amen. Et en fin de compte, lorsque Jésus est venu là à la croix, crucifié, il y avait un voleur à gauche et l'autre à droite. Il commençait à injurier. Mais l'homme, il dit non. Il dit à l'autre, si nous sommes crucifiés et que nous voulons mourir, c'est parce que nous le méritons. On a fait beaucoup de mal. Nous avons tué. Nous avons volé. On a fait beaucoup de dégâts. Nous méritons la mort. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Il meurt innocent. Et il s'est repenti. Le voleur à la croix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est prêt à pardonner celui qui se repent. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Amen. Et il dit, oh Seigneur Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a parlé d'un futur lointain. Mais Jésus-Christ lui dit, alléluia. Amen. Il lui a pas dit, oui, je me souviendrai de toi. Mais il lui a dit, aujourd'hui, parce que le salut, ce n'est pas demain, ni après-demain, mais le salut, c'est le présent. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pas demain. Pas na kesho. Et lorsque Jésus-Christ mourut, il alla d'abord vers le plus bas, là où se trouvait Satan. Et Jésus s'est présenté devant Satan. Il dit, j'ai vaincu. Donne-moi les clés. Le diable ne pouvait rien faire. Jésus a ravi les clés. C'est la main du diable. Il pouvait dire cela à Jean. Dans Apocalypse chapitre 1, dit, j'étais mort et je suis vivant au septième ciel. Je tiens avec moi les clés de la mort et les clés de ce jour de mort. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut te défier et te dire que tu vas mourir aujourd'hui. Qu'il soit un féticheur. Même s'il fait sortir les feux des yeux, même s'il fait sortir les feux des oreilles, il dit, moi je suis un grand magicien. Comme tu as fait ceci, tu vas mourir. Il peut tromper les incrédules, mais il ne peut pas tromper un véritable croyant. Parce qu'un croyant sait, celui qui a les clés de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a ravi les clés, il est allé en prison. Là où il y avait Caïn, le Coré et Dathan, il a prêché la parole. Non pas une prédication du salut, mais une prédication des condamnations. On vous avait parlé de moi, mais vous avez douté. Mais voici, je suis là présent. Attendez. Le jugement dernier, et vous serez jeté en enfer. Et pendant ce temps-là, le voleur à la croix mourut. Et il fut recueilli par les Abraham. Il fut recueilli par les Adam. Et il pouvait rendre ce témoignage. Le Messie m'a dit, aujourd'hui, il sera avec moi au paradis. Alléluia. Et il savait qu'aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Et quand il a condamné les incrédules, il a traversé au paradis. Il dit, vous avez cru à moi. Vous étiez mort dans la foi. Vous aviez l'espérance. Vous aviez persévéré. Aujourd'hui, je suis venu pour vous payer. C'est la délivrance. Dans Matthieu 27, la Bible dit, il sortit tous. Il ressuscita. Alléluia. Amen. Il sortira à Jérusalem. Aujourd'hui, Abraham est vivant. Alléluia. Aujourd'hui, Joseph est vivant. Ils ont été ressuscités. Ils n'ont plus ressuscité pour une seconde fois. Ils ont expérimenté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas qu'une seule tombe qui est vide aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus, par sa mort à la croix, il a rendu possible que plusieurs tombes soient vides aujourd'hui. Joseph est vivant. Adam est vivant. Ève est vivant. Mais ils ne sont pas d'ici. Ils sont dans le paradis, dans une place appropriée. Ils attendent quoi? Ils nous attendent, nous. Alléluia. Ils étaient morts dans la foi. Et Jésus-Christ les a ressuscités. Ils sont morts sur base de sang de taureau, le sang des animaux, ayant la foi que le véritable agneau viendra. Et Dieu les a ressuscités. Ils sont aujourd'hui au paradis. Alléluia. À combien plus forte raison nous, ne sommes pas sous le sang des taureaux ni le sang des boucs, mais nous sommes sous le sang véritable de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui coule à la croix. Si tu obéis à la parole et que tu crois, Dieu te baptise du Saint-Esprit, la mort n'est rien. Lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront et nous irons dans la gloire. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut s'opposer aux accomplissements des promesses de Dieu. Aucun démon, aucun péché, ni le diable lui-même, ni la mort. Jésus a tout vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu les démons. Et il a vaincu le diable. Il était mort et il est ressuscité. Il est vivant éternellement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la Bible est, si Dieu, si Jésus-Christ est ressuscité, croyons aussi que ceux qui sont morts dans la promesse ressusciteront. Alléluia. Amen. Les saints de l'Ancien Testament ont été orientés d'être enterrés là à Macpélas, comme type montrant que ceux qui vont mourir avant l'enlèvement en Christ ressusciteront lorsque Christ apparaîtra dans les airs. Le baptême du Saint-Esprit est la priorité d'un croyant. Alléluia. Amen. C'est une priorité pour toi. Tu dois te conformer à la parole pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Le frère va entonner une chanson. Et après, on va prier le Seigneur. Que chacun puisse prier le Seigneur.